pas le souhaiter la raisonner. Mal quitté la lit abdormi, la lente et notre chambre garçon. Garçon qui travaille pour femme, femme dans la lampe au boulot. C'est voisinage qui pour raconter où l'homme pas la sac dérivé. Chaque jour là dans le cinéma, chaque week-end il en coupé. Faut que nous résilier, sans la femme, nous pas en rien. Bon, mes amis, gardons ma bague. Monsieur, elle est brûlée, elle est brûlée. Wow, t'as décidé que mesdames Capina qui est 18 ans, 16 ans, mes amis, gardez. Souhait, enlève le frein, en bas de haut. Gardez non, bon, bon, même là, donne même, sorti faiblesse. Tout le monde qui fanatique sélect, je vois dans sélect. J'ai pas voté pour venir à frère. Ni venir à tonton, ni tontine. Parce que l'aime tout ça, ou à mon dirigeant, ou à mon jeune, moi non même. Mais l'autre, c'est deux inconnus qui rentrent ensemble. Pardon dans la classe. Mon compère, des petits coups de nous. Bump boom. m'apprends tout.